La force de Coriolis, de Catel Guillou. Premier épisode. Je m'appelle Mayana. Je suis née sur cette île il y a plus de 40 ans maintenant. Petite île perdue dans l'immense océan Pacifique. Une miette de terre, paillettes de sable et d'or, cailloux échappés du bec de l'oiseau messager dans le long vol nocturne que lui intima le dieu Tangaroa, comme me le racontait ma grand-mère. On ne pourra plus revenir en arrière. Lorsque j'étais enfant. Si le réchauffement climatique se poursuit, les océans vont continuer à monter de plus en plus vite. D'ici à 2100, c'est de 1 à 3 mètres qu'il pourrait s'élever. Ce sont des centaines d'îles qui seront englouties. Me voilà enfin seul face à l'immensité. Des milliers d'Atlantides que nous ne pourrons seul, pas sauver. Loin de tout. Anywhere out of the world. Dire que je pourrais passer le restant de ma vie ainsi. Aérer sur les mers comme un nouveau Hollandais volant. Comme un fantôme. Ne plus exister que pour les dauphins et les goélands qui m'escortent. Pour les otaries de Kerguelen et les albatros sur l'heure. Le vieux monde est derrière nous. Ils ont beau s'accrocher à la politique traditionnelle, l'économie, pourtant, elle, a déjà changé d'air. C'est encore le monde. La force du capitalisme, c'est qu'il est comme un caméléon. Il peut s'adapter à tout. La nuit ne fait que commencer. Aujourd'hui, que l'écologie est sur toutes les lèvres, il devient vert. Demain, car l'heure est proche de la grande vengeance. Il virera au rouge. Le ciel s'abattra comme un linceul noir sur nos villes sales, empoisonnées. Tout ne sera plus que désolation. Et l'humanité plongera dans l'abîme. Je suis Tamara, et la terre et le feu, et la mer et le sang passeront par ma bouche. Quand j'étais enfant, ma grand-mère me racontait souvent l'histoire de notre île. Je la rejoignais sous le banyan, où elle restait de longues heures assise à tresser des éventails ou à battre l'écorce de tapas. Ses mains crevassées de rides se mouvaient sans qu'elle les regarde, comme indépendantes de son propre corps. Elle parlait en cadence, remontant dans l'accomplissement de ses gestes mille et mille fois répétés, le fil des générations. Et derrière ses yeux brûlés par le soleil et l'âge, se rejouait pour moi à chaque fois l'origine du monde. Elle disait, au commencement, le ciel et la terre étaient accolés l'un à l'autre. Le ciel recouvrait entièrement la terre. Et l'aimait et la fécondait. Mais son étreinte était si puissante que la terre devait garder en elle tous les enfants que lui faisait le ciel. Elle ne pouvait les mettre au monde, car le monde n'existait pas encore. Alors, n'y tenant plus, Tané, l'un des fils de la terre et du ciel, repoussa très fort et très haut son père le ciel, et mille bras surgirent soudain de la terre, et Tané devint le dieu des forêts. Et la lumière put se répandre entre le ciel et la terre, et l'espace s'agrandir, et le temps commença. Comme elle, je mourrai si sans doute, si vieille qu'on ne comptera plus mes ans, ni les ravines de mon visage, et ma peau sera plus dure que le bois de toi, et mes cheveux plus brillants qu'un chapelet de sel. Je n'ai pas d'autre souhait. Même si l'océan doit continuer à ronger nos terres jusqu'à nous avaler corps et biens, je resterai sur cette île, où je sombrerai avec elle. Bonjour. Ah, bonjour. Déjà levé? En mer, on prend l'habitude de se réveiller tôt, vous savez. Vous avez bien dormi au moins? Très bien, merci. Cela fait longtemps que vous naviguez? Un petit moment, oui. Vous venez d'où ? Là, j'arrive de Tahiti. Mais je suis parti de France. Ça va faire presque un an maintenant. Un an ? Mmh. Vous êtes bien jeune pour faire un si long voyage. Et seul ? En fait, au départ, on était deux. Mais quand on est arrivé à Bahia, mon copain Rémi a décidé de poser ses valises. Et il est tombé amoureux du Brésil. Enfin, plus exactement, d'une Brésilienne. Et vous n'avez pas eu peur de continuer seul ? Peur ? Non. Ce voyage, j'en rêve depuis que je suis gosse. J'ai travaillé tous les étés depuis mes 14 ans pour pouvoir acheter ce bateau. Et j'ai mis des mois à le retaper moi-même. Et vous allez où comme ça ? Nulle part. Je fais le tour du monde. Mais vos parents, ils sont d'accord ? À vrai dire, je leur ai pas demandé leur avis. Moi, jamais je n'aurais laissé mes fils partir comme ça à l'aventure. Et si jeune. Vous entendez ? Quoi ? C'est l'heure où l'océan se met à chanter. Écoutez. Le bruit des vagues. Il devient plus clair, plus... cristallin. C'est ça. L'eau semble répondre aux rayons du soleil qui l'effleure. J'ai déjà remarqué ça, oui. Vous voyez, tous les jours j'assiste au lever du soleil sur l'océan. Et tous les jours c'est le même miracle. Comme si chaque matin était le premier matin du monde. Comme dans le poème de Rimbaud. Pardon ? Elle est retrouvée, quoi ? L'éternité ? Je suis désolée, mais je ne suis pas allée longtemps à l'école. C'est un poème très court, très simple, qui ressemble un peu à une comptine. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer allée, avec le soleil. C'est beau. Mais maintenant, je crois qu'il va être temps d'aller préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous en dites, Mathias ? C'est bien comme ça que vous vous appelez ? C'est ça. Et j'en dis que c'est une excellente idée. Je meurs de faim. Les océans se sont formés il y a plus de 4 milliards d'années, principalement à partir de la vapeur d'eau condensée dans l'atmosphère primitive, mais aussi à partir de l'eau apportée par les comètes durant le processus d'accrétion qui donna naissance à la Terre. Les principaux matériaux qui la composent se sont d'abord différenciés verticalement, et la planète s'est enveloppée d'une croûte de roche sédimentaire flottant sur un manteau de roche silicaté, solide mais très chaud et mobile. Les matériaux les plus légers, le gaz et l'eau, se sont retrouvés expulsés vers la surface, formant l'enveloppe atmosphérique et océanique qui caractérise notre planète. C'est le principe de la passoire. Mais c'est un peu ça. Ah. C'est un peu ça. Donc, c'est une bonne image. Sous l'effet de l'activité volcanique, la croûte océanique a subi diverses métamorphoses qui donnèrent naissance au continent. Ceux-ci, reposant sur le manteau chaud et mouvant, n'ont jamais cessé de se déplacer. Les océans actuels se sont formés lorsque les masses terrestres, jadis réunies au sein de plusieurs supercontinents, se sont disloquées. Oui ? Ça s'est passé à quelle période ? Au Jurassique, il y a 200 millions d'années. L'évolution des océans a modifié le climat planétaire. Depuis toujours, les océans stockent la chaleur émise par le soleil et la redistribuent vers les pôles. Aujourd'hui encore, les océans font pour la Terre office de climatiseur via les différents courants marins. Les courants de surface, qui ne brassent que 10% du volume d'eau de l'ensemble des océans, jouent notamment un rôle fondamental sur le climat en transportant de grandes quantités de chaleur depuis les tropiques vers les régions froides. Comme le Gulf Stream. Exactement. Le Gulf Stream est pour nous un merveilleux exemple de ces courants chauds. C'est lui qui assure à l'Europe son climat tempéré, alors qu'à la même latitude, le Canada peut connaître des températures glaciales. Mais savez-vous qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin ? Une fois arrivé près des côtes européennes, le Gulf Stream poursuit sa route vers le Groenland. C'est ce qu'on appelle la dérive nord-atlantique. Or, lorsqu'elles arrivent dans les régions froides, les eaux chaudes se refroidissent et deviennent plus denses et donc plus lourdes. Elles plongent alors dans les profondeurs de l'océan, puis reviennent vers l'équateur, où elles se réchauffent à nouveau et remontent à la surface. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Thermo quoi ? Thermohaline. Ah, ça va, j'ai pas entendu. La me regarde comme ça. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Pas du tout. Non. Ben si. Ben non. Ben si. Il y en a qui ont fait du grec parmi vous ? Oui. Alors ? Vas-y, dis. Très bien, je vous écoute. C'est quoi ? Ça veut dire quoi alors ? On t'écoute ? Ouais, vas-y. Que de la gueule. C'est pas vrai. Il a pas de... Alors, c'est un terme composé de deux mots grecs. Thermos, qui signifie chaud, et alinos, qui se rapporte au sel salin. Cela indique que la circulation marine ne dépend pas seulement du vent, mais aussi de deux autres facteurs. D'une part, la température de l'eau. D'autre part, sa salinité. Il existe un autre nom plus familier pour désigner ce vaste système de courants marins, plus simple à retenir, je vous l'accorde. C'est le tapis roulant océanique. Qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie que les océans ne sont pas statiques, mais qu'ils bougent sans cesse, qu'ils s'échangent en permanence leurs eaux chaudes et froides pour redistribuer la chaleur d'une région à l'autre. Autrement dit, chaque goutte d'eau accomplit incessamment le tour de la Terre. Et ça lui prend combien de temps ? On estime qu'une particule d'eau met entre 1000 et 1500 ans pour faire le tour du globe. Oui, Chloé ? Et est-ce que le réchauffement climatique a des effets sur cette circulation océanique ? Les relations entre l'océan et l'atmosphère obéissent à des mécanismes qui restent encore très mystérieux aujourd'hui. Mais on observe en effet qu'avec le réchauffement climatique, ce mouvement a tendance à ralentir. Et vous voulez dire que si le réchauffement continue, le tapis roulant pourrait tomber en panne ou bien... C'est l'une des questions que se posent actuellement les chercheurs. Mais alors, il n'y aurait plus de Gulf Stream ? On va se les cailler, les gars. Mais ce qui est certain, c'est que l'état des océans est essentiel à l'équilibre de la planète et du climat. Si la température de l'eau augmente, par exemple, alors elle va se dilater et son volume augmenter. Le niveau des mers montera un peu partout dans le monde, et ce d'autant plus vite que la fonte des glaces s'accroît parallèlement. Par ailleurs, la hausse des températures de surface, associée au système de pression, peut dérégler la distribution habituelle des courants océaniques et entraîner des perturbations climatiques aux effets ravageurs. Tempêtes, cyclones, pluies diluviennes ou au contraire, épisodes de sécheresse terrible. Si le réchauffement climatique se poursuit, alors oui, nous devons nous attendre à ce que ces phénomènes de forte intensité se multiplient. Ah, bonjour, je suis Christopher Greenblatt. Ah, bonjour, enchanté. Vous avez fait bon voyage, monsieur Greenblatt ? Très bon, merci. Bon, je me présente, Lucy Peng. C'est moi qui vais vous accompagner pendant votre séjour à Shanghai. Ah, très bien. Je serai aussi votre interprète pour votre conférence de demain. Si vous voulez, vous pouvez me transmettre le texte de votre intervention, ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à m'appeler. Voici mon numéro de téléphone. Merci. J'ai réservé un taxi. Venez, c'est par là. C'est la première fois que vous venez en Chine ? Je suis déjà allé à Hong Kong une fois, mais je n'étais jamais venu sur le continent. Ah, Hong Kong. Et ça vous a plu ? Oui. Ce n'est pas très différent des États-Unis, au fond. Oh, vous verrez. Je suis sûre que vous allez vous plaire beaucoup à Shanghai. Il ne fait pas encore trop chaud en cette saison. C'est la meilleure période pour visiter la ville. Je ne reste que 3 jours, vous savez. Oui, bien sûr. Alors, voici votre programme. D'abord, je vous emmène à votre hôtel. C'est un très bon hôtel. Il est situé à l'intérieur du campus. Vous y serez très bien, vous verrez. Ce soir, vous avez un dîner officiel avec Monsieur Wu, le directeur de l'Institut. Et votre conférence a lieu demain matin à 10h dans la salle du Crapaud Doré. Du Crapaud Doré. On l'appelle Qing Chang en chinois. C'est une figure de la mythologie. Il est censé apporter prospérité. Après-demain, vous déjeunerez avec des professeurs et des étudiants du département d'économie. Puis vous aurez votre après-midi et vos soirées libres pour visiter Shanghai. Je peux vous emmener voir les gratte-ciels de Pudong si vous voulez. C'est très joli le soir avec toutes les lumières. Ou bien je peux vous prendre une place pour l'opéra de Pékin. En ce moment, on y joue à la légende du serpent blanc. Vous connaissez ? Non. C'est une vieille légende chinoise. L'histoire d'une femme serpent qui séduit un jeune homme. Ils se marient, ils sont heureux, mais un jour, un vieux moine les croise. Et il comprend tout de suite qu'un esprit malin se cache dans le corps de la femme. Alors il donne quelque chose à boire à la dame, et elle redevient un serpent. Et en voyant la femme sous son véritable aspect, l'homme meurt d'un coup. Cela vous intéresse ? Je ne sais pas, je... Allô ? Oui, je viens d'arriver. Tout va bien, oui. Je ne sais pas, mais il est quelle heure ici ? 16h15. 16h15. Oui. Non, non, mais tout va bien, je te dis. Écoute, Tamara, je dois raccrocher maintenant, mon taxi est là. Je t'appellerai tout à l'heure, d'accord ? Oui, moi aussi. Excusez-moi, ma compagne. Elle s'inquiète toujours quand je prends l'avion. Oh, mais je vous en prie, je comprends. Demain, au TD, nous étudierons les différents modèles qui permettent de décrire et prévoir le mouvement des vagues. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas vos calculatrices. Au revoir, à demain. Au revoir, à demain. À demain. À demain, au revoir. Madame Carinvel. Au revoir. Oui, oui, Chloé. Il paraît que vous êtes en train de préparer une mission en mer de Norvège. C'est exact. Si jamais vous avez besoin d'une assistante ou d'une stagiaire... Oh non, je vous remercie, Chloé, mais l'équipe est déjà constituée. Même bénévolement. Parce que les cours théoriques, c'est bien, mais c'est important aussi d'aller sur le terrain quand on veut être océanographe, non ? Ah oui, absolument, mais il s'agit d'une mission délicate et complexe qui requiert des personnes déjà expérimentées. Je vous en prie. Je prends pas beaucoup de place. Je saurai être discrète et efficace. Bon, j'y réfléchirai. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est trop tard pour dîner ? Vous avez de la chance. Le service est fini, mais il reste un peu de rascasse au lait de coco. Raymond, installe-lui un couvert, s'il te plaît. Oui, Pavati. Bonsoir à tous. C'est l'heure de votre bulletin météo. Une tempête tropicale, baptisée Tamara, a touché ce matin les îles Samoa. Elle a fait quelques dégâts matériels. Alors, vous vous êtes bien promené ? Je fais le tour de l'île. La tempête devrait s'affaiblir en dérivant vers le sud-est. Il y a des coins magnifiques. C'est fou à quel point les paysages peuvent changer à l'intérieur d'un même archipel. De loin, on s'attendrait à ce que toutes les îles proches se ressemblent. Et pourtant, chacune a sa propre identité, sa propre personnalité presque. C'est comme les enfants. Sans doute. C'est comme la mer aussi. Dans l'Atlantique, près des Açores par exemple, l'eau est d'un bleu vert presque transparent. Et elle est si fine et douce qu'on peut la caresser, comme une peau. La mer des Sargasses, elle, a quelque chose de beaucoup plus âpre. Elle est dense et sombre, et elle sent le plastique à cause des tonnes de déchets qu'elle charrie. Et cet océan-là, vous le trouvez comment ? Le Pacifique ? Il n'est pas aussi calme que son nom l'indique. Excusez-moi, mais pourquoi vous faites ça ? Ça quoi ? Vous n'allez quand même pas passer toute votre vie sur les mers ? Pourquoi pas ? Enfin, à votre âge, on a besoin de s'amuser, de voir des amis, d'aimer, je sais pas, moi. Je suis pas fait pour la terre ferme. Tout y est si carré, si rectiligne. Et puis en mer, le temps ne passe pas à la même vitesse. On n'est pas pressé de tous les côtés. Le rythme du corps se cale sur celui des vagues. Il n'y a que là que je me sente bien. J'ai dû être poisson ou dauphin dans une vie antérieure. Vous croyez ? Ces animaux ne connaissent pas la pesanteur. Ni les coordonnées, ni les horloges. Ils ne connaissent que les lois de la nature. Il ne fait pas si bon être poisson, vous savez. Surtout aujourd'hui. En quittant la baie de Rio, j'ai croisé le cadavre d'un éléphant de mer. Est-ce qu'il faisait là, dérivé tout seul, alors que ces animaux vivent habituellement en groupe, à des centaines de milles plus au sud ? J'ai vu son œil ouvert. Un œil d'un noir d'encre, plus brillant qu'une pierre d'obsidienne. Il me regardait comme s'il était encore vivant. un œil presque humain. Ça m'a déchiré le cœur. Comme si je voyais le cadavre de mon propre frère. Vous avez des frères et sœurs ? Non. Fils unique. Pourri gâté comme il se doit. Vous ne pourrez pas rester seul toute votre vie. Personne ne le peut. Être humain, ça veut dire avoir une famille, des racines. L'homme a besoin de la terre parce qu'il a besoin de racines. L'homme pourri par ses racines. Moi, j'ai préféré larguer les amarres. Tous les liens enchaînent et pervertissent. Ils tuent aussi sûrement que ces filets qu'on dresse dans les océans comme des murs de barbelés, ou que ces vortex de déchets plastiques dans lesquels viennent étouffer les oiseaux et les tortues. Non. Ou alors, il me faudrait des racines aériennes qui partiraient de mon cerveau pour aller s'abreuver à l'air libre. Comme celle de cet arbre que j'ai croisé tout à l'heure. Vous parlez du banyan ? C'est ça. Où pourrais-je acheter des réserves de nourriture par ici ? J'ai besoin de refaire mon stock de vivres avant de repartir. Vous n'allez quand même pas déjà repartir ? Vous venez à peine d'arriver. Ma place est en mer, je vous dis. C'est comme ça. Raymond doit aller faire des courses en ville demain matin avec la camionnette. Raymond, tu pourras emmener Monsieur Mathias en ville demain ? Bien sûr, Paoti. Merci. Alors, cette rascasse ? Premier épisode avec Arnaud Giovanninetti, Chris, Lara Brühl, Mayana, Robinson Stévenin, Mathias, Nathalie Villeneuve, Joël, Julie Denis, Tamara, Sophie Laure, Jing Jing, Jean-Claude Frissung, Raymond, Lise Cornier, Inanoui, Samuel Charles et Florian Goetz, des étudiants, Céline Mia Baumgartner, Chloé, Olivier Ruiz Davet, Monsieur Météo, et Raouf Raïs, Bastien Bouillon, Tom L'Aiguiller, Thomas Pouget, Elodie Menon, Leslie Lipkins, Elsa Bosque, Jade Fortino et Pauline Dubreuil. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Bruitage, Sophie Bissens, assistée de Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à Michael Simon pour la documentation sonore. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Juliette Eman.